été vierge. Avant qu'arrive la catastrophe, elle s'est fait violer par un stylo issu de Sergi Saint-Christophe. Ici la vie c'est traite comme une bouteille des Restov. Elle te met bien et après elle te fait vomir jusqu'à t'étouffer. Je crache des strophes pour se contouffer. Un tour dans le coffre fou et dans le goût froué. Joué à cause d'un traître retrouvé croué. Ils sont doués, les fils de pute Jack, même le bec cloué. Ici la petite fleur a fané, y'a des femmes, c'est des erreurs, pas des ex, c'est les ex potos sont affamés. Ils veulent du sexe, pas à manger terrestre, condamné à vivre sur ses gardes, même ton ref pourrait te canner. Ici y'a pas de vertu que des ouvertures, et c'est super dur de rester calme, grand bâtard, votre rôde qu'a d'études, tout têtu. C'est pas d'aujourd'hui, regarde Judas et Jésus, Adam, elles sont vêtues suite à cette merde. On vit sur terre en mode défaitiste. Y'en a au frais parce que les gars sont faire leur fesse au commissaire. Dédicace à Ibrahim. Les mecs savent de quelle histoire je parle. Je viens traumatiser la rime par des écrits sérieux de pas. Ils disent que c'est mieux donc vas-y pas. Tu reviendras nous dire quand on sera vieux. Pendant que les albiades ont plus de vis que le chétal. J'ai le sourire quand je fume du H. J'oublie pas que je vis dans un monde de pétasse. Le traître c'est celui qui devant toi sourit derrière surine. Celui qui pleure sur ton lit de mort et sur ta tombe urine. Des envies de meurtre c'est tentant. Quand tu vois la traîtrise dans les yeux de cette femme qui se fait troncher par un gitan. Laisse-moi avec mon shit, ma tease. Je fais des hits que je traumatise. Baisse la police, la traîtrise, la bêtise et le fils. Trop de cicatrices, demande à Black Vénère. Faut que le slogan la veine pisse. Que je reste sur mes gardes devant les faux sourires de ceux qui souhaiteraient que je m'égare. C'est tard, je lève un verre amer à ce prochain frère qui causera ma perte ou retournera sa veste, pire baisera ma peine. Avant de me serrer la face normale, de m'appeler Sarpi et mettre une rodka. J'ai trop de mal à comprendre ce putain de monde. Ces codes, ceux qui se disposent un jour pour le putain de plomb. Tu me diras, un homme ça reste un homme, tout fidèle à lui-même. Il te vide de ton sang pour une ficelle. La misère, elle ne trahit pas la honte. Et l'effort ont perverti mes frères qu'ont mis l'uniforme. Pompe sur un gros joint, autodestruction pour une chienne qui t'a mis en chien. Sans gêne, tu tiens en vain. Fais bélec à ceux que tu côtoies. Quand la jalousie des plus proches se change en violence notoire. We'll be right back.